mon patron dit que j'ai tout compris. Ah merde, c'est lundi, il n'y a plus d'espoir. Tous les samedis soirs, la partie d'échecs chez mamie Colette, on n'y échappe pas, chaque fois j'y ai droit. La partie d'échecs chez mamie Colette, et le lendemain, c'était le chagrin. Je croise la fourrière qui traînait derrière. Putain, ses enflures ont pris ma voiture. Mais ce qui est à venir, oui, ça c'est le pire. Il n'y a plus d'espoir tous les samedis soirs. La partie d'échecs chez mamie Colette, on n'y échappe pas, chaque fois j'y ai droit. La partie d'échecs chez mamie Colette, qui m'a énervé, c'est deux jours après. Je suis tombé à genoux dans la bouche d'égout. J'étais dans la rue, la tête dans le cul, comme un con, je pensais que ça s'arrêterait. C'est ça, un copain, il m'a dit, tiens, moi je suis un petit peu supporter. À l'époque, tu disais pas trop, hein. Maintenant qu'ils sont hyper connus, tu dis, putain, c'est moi qui ai monté le groupe et tout, même si je joue de rien dedans. Hein. Quand il faut déboucher les bouteilles, mais ça va pas toujours du bassiste, mais quand il faut déboucher les bouteilles, qui peut se vanter d'avoir un limonadier à notre époque? Il n'y a plus d'espoir, tous les samedis soirs, la partie d'échecs chez mamie Colette, on n'y échappe pas. Chaque fois j'y ai droit, la partie d'échecs chez mamie Colette. En fin de semaine, je reprends la vitaine. J'en fais un peu partout, des barbecues. À 18h06, y'avait plus de pastilles. J'ai fait un malaise, la gueule dans les braises. Il n'y a plus d'espoir, tous les samedis soirs. La partie d'échecs chez mamie Colette, on n'y échappe pas, chaque fois j'y ai droit. La partie d'échecs chez mamie Colette, la partie d'échecs chez mamie Colette. Eh ben c'est que, attends, c'est vrai que avant je considérais quand même l'alcoolisme d'une façon un petit peu, je me croyais seul.